Et si tu étais météorite, il beuglerait dans un igloo. Et sur le terrain océanique, il déglinguerait des kangourous. Mais il vit en harmonique et déverse son courroux dans un autre satanique dont le squamat est le gourou. Si QSM n'existait pas, faudrait surtout pas l'inventer. Ils sont plus laids que tatata. Y'a plus des villes qu'on les guillemets. QSM il décide, il crache contre toutes les églises. L'aigle est vicié, pétri de la justice, c'est toujours de mise. Si QSM n'existait pas, ce serait la porte ouverte aux cons qui se prosternent accroupis, se dit comme un grand de ton. Ils tournent les yeux, se montrent la vie et ils vénèrent Anatole. Leurs hosties sont en pain pourri, leurs sermons se pètent les guibolles. Oui, sa tour Eiffel et la Bible, sa tour de Babel. Et bien plus encore que Gargamel, la Bretagne déverse son ciel. Le hardcore tape à coups de pelle, la véranda vibre avec zèle. Les accords pleuvent tels quels, la grinta est sempiternelle. Seule la véranda supporte l'acculance et l'acharnement. Le survécu, terre de cloporte, accumulance et l'effoncement. Témoin privilégié des exactions et de la guerre, elle est le siège bien singulier des vibrations de Lucifer. Si les